fureur du peuple contre ses meurtriers. Le peuple, aussitôt après les funérailles, courut avec des torches aux maisons de Brutus et de Cassius, et n'en fut repoussé qu'avec peine. Sur sa route, cette foule tumultueuse rencontra Elvius Cinna, et par suite d'une erreur de nom, le prenant pour Cornelius, à qui elle en voulait pour avoir prononcé la veille un discours véhément contre César, elle le tua, et promena sa tête au bout d'une pique. Plus tard, on éleva dans le forum une colonne de marbre de Numidie, d'un seul bloc, et de près de 20 pieds, avec cette inscription « Au père de la patrie ». Et ce fut pendant longtemps un usage d'y offrir des sacrifices, d'y former des vœux, et d'y régler certains différends, en jurant par le nom de César.